Dites-moi, est-ce que vous avez peur du loup ? Du lion, de la hyène, non ? Avez-vous un jour rêvé d'être ami avec un guépard ? Avec un dromadaire ou un gorille ? Une chèvre peut-être ? Je sens que cette histoire est pour vous. Elle a régalé des milliers d'enfants de tous âges, des adultes... Même des animaux sans doute. Mais chut ! Au bout du compte, vous embarque vers le Grand Nord avec ce premier épisode de L'œil du loup. Debout devant l'enclos du loup, le garçon ne bouge pas. Le loup va et vient. Il marche de long en large et ne s'arrête jamais. M'agace celui-là. Voilà ce que pense le loup. Cela fait bien 2 heures que le garçon est là, debout devant ce grillage, immobile comme un arbre gelé, à regarder le loup marcher. Qu'est-ce qu'il me veut ? C'est la question que se pose le loup. Ce garçon l'intrigue. Il ne l'inquiète pas, le loup n'a peur de rien. Il l'intrigue. Qu'est-ce qu'il me veut ? Les autres enfants courent, sautent, crient, pleurent. Ils tirent la langue au loup et cachent leur tête dans les jupes de leur mère. Puis ils vont faire les clowns devant la cage du gorille et rugir au nez du lion dont la queue fouette l'air. Ce garçon-là, non. Il reste debout, immobile, silencieux. Seuls ses yeux bougent. Ils suivent le va-et-vient du loup le long du grillage. N'a jamais vu de loup ou quoi ? Le loup, lui, ne voit le garçon qu'une fois sur deux. C'est qu'il n'a qu'un œil, le loup. Il a perdu l'autre dans sa bataille contre les hommes, il y a 10 ans, le jour de sa capture. À l'allée, donc, si on peut appeler ça l'allée, le loup voit le zoo tout entier, ses cages, les enfants qui font les fous, et, au milieu d'eux, ce garçon-là, tout à fait immobile. Au retour, si on peut appeler ça le retour, c'est l'intérieur de son enclos que voit le loup. Son enclos vide, car la louve est morte la semaine dernière. Son enclos triste, avec son unique rocher gris et son arbre mort. Puis, le loup fait demi-tour et voilà de nouveau ce garçon, avec sa respiration régulière qui fait de la vapeur blanche dans l'air froid. « Il se lassera avant moi », pense le loup en continuant de marcher. Et il ajoute « Je suis plus patient que lui ». Et il ajoute encore « Je suis le loup ». Mais le lendemain matin, en se réveillant, la première chose que voit le loup, c'est ce garçon, debout devant son enclos, là, exactement au même endroit. Le loup a failli sursauter. Il n'a pas passé la nuit ici tout de même. Il s'est contrôlé à temps et il a repris son va-et-vient comme si de rien n'était. Cela fait 1 heure maintenant que le loup marche, 1 heure que les yeux du garçon le suivent. Le pelage bleu du loup frôle le grillage, ses muscles roulent sous sa fourrure d'hiver. Le loup bleu marche comme s'il ne devait jamais s'arrêter, comme s'il retournait chez lui, là-bas, en Alaska. Loup d'Alaska, c'est ce qu'indique la petite plaque de fer sur le grillage. Et il y a une carte du Grand Nord avec une région peinte en rouge pour préciser. Loup d'Alaska, Barren Lands. Ses pattes ne font aucun bruit en se posant sur le sol. Il va d'un bout à l'autre de l'enclos. On dirait le battant silencieux d'une grande horloge. Et les yeux du garçon font un mouvement très lent, comme s'il suivait une partie de tennis au ralenti. Je l'intéresse donc tant que ça. Le loup fronce les sourcils. Des vaguelettes de poils hérissés viennent mourir au bord de son museau. Il s'en veut de se poser toutes ces questions à propos de ce garçon. Il avait juré de ne plus jamais s'intéresser aux hommes. Et, depuis 10 ans, il tient le coup. Pas une pensée pour les hommes, pas un regard, rien. Ni pour les enfants qui font les pitres devant sa cage, ni pour l'employé qui lui jette sa viande de loin, ni pour les artistes du dimanche qui viennent le dessiner, ni pour les mamans idiotes qui le montrent tout petit en piaillant. « Voilà, c'est lui le loup. Si t'es pas sage, t'auras affaire à lui. » Rien de rien. Le meilleur des hommes ne vaut rien. C'est ce que disait toujours Flamme Noire, la mère du loup. Jusqu'à la semaine dernière, le loup s'arrêtait quelquefois de marcher, la louve et lui s'asseyaient en face des visiteurs. Et c'était exactement comme s'ils ne les voyaient pas. Le loup et la louve regardaient droit devant eux. Leur regard vous passait au travers. On avait l'impression de ne pas exister. Très désagréable. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien regarder comme ça? Qu'est-ce qu'ils voient? Et puis, la louve est morte. Elle était grise et blanche, comme une perdrix des neiges. Depuis, le loup ne s'est plus jamais arrêté. Il marche du matin au soir et sa viande gèle sur le sol autour de lui. Dehors, droit comme un i dont le poing ferait de la vapeur blanche, le garçon le regarde. « Tant pis pour lui !» décide le loup. Et il cesse complètement de penser au garçon. Pourtant, le lendemain, le garçon est là, et le jour suivant, et les jours d'après, au point que le loup est bien obligé de repenser à lui. « Mais qui est-ce? Qu'est-ce qu'il me veut? Ne fait donc rien de la journée? Travaille pas? Pas d'école? Pas d'amis? Pas de parents ou quoi ?» Un tas de questions qui ralentissent sa marche. Il se sent les pattes lourdes. Ce n'est pas encore de la fatigue, mais ça pourrait venir. Incroyable, pense le loup. Enfin, demain, on fermera le zoo. C'est le jour du mois consacré aux soins des bêtes, à l'entretien des cages. Pas de visiteurs ce jour-là. Je serai débarrassé de lui. Pas du tout. Le lendemain, comme les autres jours, le garçon est là. Il est même là plus que jamais, tout seul devant l'enclos, dans le jardin zoologique absolument désert. Oh non ! Gémit le loup. Eh si ! Le loup se sent maintenant très fatigué. À croire que le regard de ce garçon pèse une tonne. D'accord, pense le loup. D'accord, tu l'auras voulu. Et brusquement, il s'arrête de marcher. Il s'assied bien droit, juste en face du garçon. Et lui aussi se met à le regarder. Il ne lui fait pas le coup de regard qui vous passe au travers, non. Le vrai regard, le regard planté. Ça y est, ils sont face à face maintenant. Et ça dure. Pas un visiteur dans le jardin zoologique. Les vétérinaires ne sont pas encore arrivés. Les lions ne sont pas sortis de leur tanière. Les oiseaux dorment dans leurs plumes. Jour de relâche pour tout le monde. Même les singes ont renoncé à faire les guignols. Ils pendent aux branches comme des chauves-souris endormis. Il n'y a que ce garçon et ce loup au pelage bleu. Tu veux me regarder? D'accord. Moi aussi je vais te regarder. On verra bien. Mais quelque chose gêne le loup. Un détail stupide. Il n'a qu'un œil et le garçon en a deux. Du coup, le loup ne sait pas dans quel œil du garçon planter son propre regard. Il hésite, son œil unique saute, droite, gauche, gauche, droite. Les yeux du garçon, eux, ne bronchent pas. Pas un battement de cils. Le loup est affreusement mal à l'aise. Pour rien au monde, il ne détournerait la tête. Pas question de se remettre à marcher. Résultat, son œil s'affole de plus en plus. Et bientôt, à travers la cicatrice de son œil mort, apparaît une larme. Ce n'est pas du chagrin, c'est de l'impuissance et de la colère. Alors, le garçon fait une chose bizarre, qui calme le loup, qui le met en confiance. Le garçon ferme un œil. Et les voilà maintenant qui se regardent, œil dans l'œil, dans le jardin zoologique désert et silencieux, avec tout le temps devant eux. Un œil jaune, tout rond, avec, bien au centre, une pupille noire. Un œil qui ne cligne jamais. C'est tout à fait comme si le garçon regardait une bougie allumée dans la nuit. Il ne voit plus que cet œil. Les arbres, le zoo, l'enclos, tout a disparu. Il ne reste qu'une seule chose, l'œil du loup. Et l'œil devient de plus en plus gros, de plus en plus rond, comme une lune rousse dans un ciel vide, avec en son milieu une pupille de plus en plus noire et des petites taches de couleurs différentes qui apparaissent dans le jaune brun de l'iris. Ici, une tache bleue, bleue comme l'eau gelée sous le ciel. Là, un éclair d'or brillant comme une paillette. Mais le plus important, c'est la pupille. La pupille noire. Tu as voulu me regarder. Eh bien, regarde-moi. Voilà ce que semble dire la pupille. Elle brille d'un éclat terrible. On dirait une flamme. C'est ça, pense le garçon. Une flamme noire. Et le voilà qui répond. D'accord, flamme noire. Je te regarde. Je n'ai pas peur. La pupille a beau grossir, envahir l'œil tout entier, brûler comme un véritable incendie, le garçon ne détourne pas son regard. Et c'est quand tout est devenu noir, absolument noir, qu'il découvre ce que personne n'a jamais vu avant lui dans l'œil du loup. La pupille est vivante. C'est une louve noire, couchée en boule au milieu de ses petits, et qui fixe le garçon en grondant. Elle ne bouge pas, mais sous sa fourrure luisante, on la sent tendue comme un orage. Ses babines sont retroussées au-dessus de ses crocs éblouissants. Les extrémités de ses pattes frémissent. Elle va bondir. Un petit garçon de cette taille, elle n'en fera qu'une bouchée. C'est bien vrai que tu n'as pas peur ? C'est bien vrai. Le garçon reste là. Il ne baisse pas son œil. Le temps passe. Alors, très lentement, les muscles de flamme noire se détendent. Elle finit par murmurer entre ses crocs. « Bon, d'accord, si tu y tiens, regarde autant que tu voudras. Mais ne me dérange pas pendant que je fais la leçon aux petits, hein ?» Et, sans plus s'occuper du garçon, elle promène un long regard sur les 7 louveteaux duveteux qui sont couchés autour d'elle. Ils lui font une auréole rousse. « L'iris !» pense le garçon. « L'iris autour de la pupille !» Oui, 5 louveteaux sont exactement du même roux que l'iris. Le pelage du 6e est bleu. Bleu comme l'eau gelée sous un ciel pur. Loup bleu. Et la 7e, c'est une petite louve jaune et comme un éclair d'or. Les yeux se plissent quand on la regarde. Ses frères l'appellent paillette. Tout autour, c'est la neige. Jusqu'à l'horizon que ferment les collines. La neige silencieuse de l'Alaska. Là-bas, dans le grand nord canadien. La voix de flamme noire s'élève à nouveau, un peu solennelle dans ce silence tout blanc. Les enfants, aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme. L'homme ? Encore ? Ah non ! Tu n'arrêtes pas de nous raconter des histoires d'hommes. Y en a marre ! On n'est plus des bébés ! Parle-nous plutôt de caribous. Ou des lapins des neiges. Ou de la chasse aux canards. Oui, flamme noire, raconte-nous des histoires de chasse. Nous autres, les loups, on est des chasseurs, oui ou non? Mais ce sont les hurlements de paillettes qui dominent. Non, je veux une histoire d'homme. Une vraie, une qui fait bien peur, maman. Je t'en supplie, une histoire d'homme, j'adore. Seul, loup bleu reste silencieux. Celui-là n'est pas d'un naturel bavard. Plutôt sérieux. Vaguement triste même. Ses frères le trouvent ennuyeux. Pourtant, quand il parle, c'est rare, tout le monde l'écoute. Il a la sagesse, comme un vieux loup plein de cicatrices. Bon, on en est là. Les 5 rouquins se sont mis à se bagarrer. Et que je t'attrape la gorge. Et que je te saute sur le dos. Et que je te mordis les pattes. Et que je tourne comme un fou autour de ma propre queue. La pagaille complète. Paillette les encourage de sa voix perçante en sautant sur place comme une grenouille en folie. Tout autour, la neige vole en éclats d'argent. Et Flamme Noire laisse faire. Qu'ils s'amusent. Ils connaîtront bien assez tôt la vraie vie de loup. Tout en se disant cela, elle pose son regard sur Loup Bleu, le seul de ses enfants à ne jamais s'amuser. Tout le portrait de son père. Il y a de la fierté dans cette pensée et de la tristesse, car grand loup, le père est mort. Trop sérieux, pense Flamme Noire, trop inquiet, trop loup. Écoutez ! Loup bleu est assis, immobile comme un rocher, ses pattes antérieures tendues et ses oreilles dressées. Écoutez ! La bagarre cesse aussitôt. La neige retombe autour des louveteaux. D'abord, on n'entend rien. Les rouquins ont beau dresser leurs oreilles fourrées, il n'y a que la plainte soudaine du vent, comme un grand coup de langue glacée. Et puis, tout à coup, derrière le vent, un hurlement de loup, très long, très modulé, qui raconte un tas de choses. C'est Cousin Gris, murmure un des rouquins. Qu'est-ce qu'il dit ? Flamme Noire jette un rapide coup d'œil à Loup Bleu. L'un et l'autre savent bien ce que Cousin Gris leur dit du haut de la colline où il est placé en sentinelle. L'homme. Une bande de chasseurs. Qui les cherche. Les mêmes que la dernière fois. Fini de jouer, les enfants. Préparez-vous, nous partons. Alors c'était ça, ton enfance, Loup Bleu. Fuir devant les bandes de chasseurs. Oui, c'était ça. On s'installait dans une vallée paisible bordée de collines que Cousin Gris pensait infranchissable. On y restait une semaine ou deux, et il fallait s'enfuir à nouveau. Les hommes ne se décourageaient jamais. Depuis deux lunes, c'était toujours la même bande qui traquait la famille. Ils avaient déjà eu Grand Loup, le père. Pas facilement. Une drôle de bagarre. Mais ils l'avaient eu. On fuyait. On marchait à la queue leu-leu. Flamme Noire ouvrait la procession, immédiatement suivie de Loup Bleu. Puis venaient Paillette et les rouquins. Et Cousin Gris, enfin, qui effaçait les traces avec sa queue. On ne laissait jamais de traces, on disparaissait complètement, toujours plus loin dans le nord. Il y faisait de plus en plus froid, la neige s'y changeait en glace, les rochers devenaient coupants. Et pourtant, les hommes nous retrouvaient. Toujours. Rien ne les arrêtait. Les hommes. L'homme. Le soir, on se couchait dans des terriers de renards. Les renards prêtent volontiers leurs terriers aux loups, contre un peu de nourriture. Ils n'aiment guère chasser, les renards, trop paresseux. Cousin Gris montait la garde dehors, assis sur un rocher qui dominait la vallée. Loup Bleu se couchait à l'entrée du terrier pendant que, tout au fond, Flamme Noire endormait les petits en leur racontant des histoires. Des histoires d'hommes, bien sûr. Et, parce qu'il faisait nuit, parce qu'ils étaient trop fatigués pour jouer, parce qu'ils adoraient avoir peur, et parce que Flamme Noire était là pour les protéger, Paillette et les rouquins écoutaient. Il était une fois. Toujours la même histoire, celle du louveteau trop maladroit et de sa grand-mère trop vieille. Il était une fois un louveteau si maladroit qu'il n'avait jamais rien attrapé de sa vie. Les plus vieux caribous couraient trop vite pour lui, les mulots lui filaient sous le nez, les canards s'envolaient à sa barbe. Jamais rien attrapé, même pas sa propre queue, beaucoup trop maladroit. Bon, il fallait bien qu'il serve à quelque chose, non ? Heureusement, il avait une grand-mère, très vieille, si vieille qu'elle n'attrapait plus rien non plus. Ses grands yeux tristes regardaient courir les jeunes. Sa peau ne frémissait plus à l'approche du gibier. Tout le monde était désolé pour elle. On la laissait à la tanière quand on partait à la chasse. Elle mettait un peu d'ordre lentement, puis faisait sa toilette avec soin. Car grand-mère avait une fourrure magnifique, argentée. C'était tout ce qui lui restait de sa jeunesse. Jamais aucun loup n'en avait eu d'aussi belle. Sa toilette achevée, ça lui prenait deux bonnes heures, grand-mère se couchait à l'entrée de la tanière. Le museau entre les pattes, elle attendait le retour du maladroit. C'était à cela qu'il servait le maladroit, nourrir grand-mère. Le premier caribou tué, hop, le cuisseau était pour grand-mère. Pas trop lourd pour toi, maladroit ? Du tout. Bon, ne flâne pas en route, hein. Et ne t'emmêle pas les pattes. Et gare à l'homme. Etc. Le maladroit n'écoutait plus ses recommandations. Il avait l'habitude. Jusqu'au jour où quoi ? Demandaient les rouquins, leurs grands yeux dilatés dans la nuit. Où quoi ? S'écriait Paillette, la langue pendante. Jusqu'au jour où l'homme arriva à la tanière avant le maladroit. Répondait Flamme Noire dans un murmure terrifiant. Et alors ? Et alors ? Hein ? Alors ? Alors ? Alors, l'homme tua grand-mère, lui vola sa fourrure pour se faire un manteau, lui vola ses oreilles pour se faire un chapeau, et se fit un masque avec son museau. Et alors ? Alors, il est l'heure de dormir, les enfants. Je vous raconterai la suite demain. Les enfants protestaient, bien sûr, mais Flamme Noire tenait bon. Peu à peu, le souffle du sommeil remplissait le terrier. C'est le moment que Loup Bleu attendait pour poser sa question, toujours la même. Flamme Noire, ton histoire, elle est vraie ? Flamme Noire réfléchissait un moment, puis faisait toujours la même réponse bizarre. Plus vrai que le contraire, en tout cas. Avec tout ça, les saisons passaient. Les enfants grandissaient, devenaient de jeunes loups, de vrais chasseurs. Et on n'avait jamais vu d'hommes. Enfin, jamais de près. On les avait entendus. Le jour où Grand Loup s'était battu avec eux, par exemple, on avait entendu les rugissements de Grand Loup, puis le hurlement d'un homme, un croc planté dans chaque fesse, des cris de panique, des ordres, puis un bruit de tonnerre, puis plus rien. Grand Loup n'était jamais revenu. Et on avait recommencé à fuir. On en avait vu de loin aussi. À peine quittait-on une vallée qui s'y installait, et la vallée se mettait à fumer. Un vrai chaudron. « Ils salissent la neige, grognait Flamme Noire. » On les observait du haut de la plus haute colline. Ils marchaient sur deux pattes au fond du chaudron. Mais de près, à quoi pouvaient-ils bien ressembler ? « Cousin Gris, tu les as déjà vus de près, toi ?»« J'en ai vu, oui. »« Pas bavard, Cousin Gris. »« À quoi ils ressemblent ?»« Les hommes, deux pattes et un fusil. » À part ça, on ne pouvait rien tirer de lui. Quant à Flamme Noire, elle racontait des histoires qu'on ne pouvait plus croire maintenant qu'on était devenu grand. Les hommes mangent tout, l'herbe des caribous, les caribous eux-mêmes, et s'ils n'ont rien à se mettre sous la dent, ils peuvent aussi manger du loup. Ou bien, les hommes ont deux peaux. La première est toute nue, sans un poil, la seconde, c'est la nôtre. Ou bien encore, l'homme ? L'homme est un collectionneur. Cette phrase-là, personne ne la comprenait. Et puis, un jour, au moment de la pause, tout le monde était essoufflé, quelqu'un demanda « Mais pourquoi est-ce toujours la même bande qui nous poursuit ?» Cousin Gris léchait ses pattes meurtries. « Ils ont entendu parler d'une petite louve à la fourrure d'or. » Il n'acheva pas sa phrase. Flamme Noire le foudroyait du regard. Trop tard. Tous les rouquins regardaient Paillette. Et Paillette regardait tout le monde les oreilles dressées. « Comment ? C'est moi qu'on cherche ?» Le soleil choisit juste ce moment pour percer les nuages. Un rayon tomba sur Paillette et tout le monde détourna les yeux. Elle était réellement éblouissante. Une louve d'or, vraiment, avec une truffe noire au bout du museau. Si noire la truffe, dans tout cet or, que ça la faisait un peu loucher. « Adorable, pensa Flamme Noire, ma fille est adorable. » Elle ajouta aussitôt, « mais complètement tête en l'air. » Puis elle poussa un soupir et murmura au plus profond d'elle-même. « Franchement, grand loup, pourquoi m'as-tu donné la plus belle louve qui ait jamais existé ? Tu trouves qu'on n'avait pas assez d'ennuis comme ça ?» « Comment ? C'est moi qu'on cherche ? » Elle avait dit ça sur un drôle de ton, Paillette. Ça n'avait pas échappé aux oreilles de Loup Bleu. « C'est moi qu'on cherche ? Chochotte va !» Et c'était inquiétant. Loup Bleu ne savait trop quoi penser de sa sœur. C'était une belle louve, bien sûr, la plus belle, et d'une habileté à la chasse, imbattable, bien plus rapide que les rouquins, qui n'étaient pas de mauvais chasseurs pourtant. Bien meilleur œil que Flamme Noire, bien meilleure oreille que Cousin Gris, et plus fin museau que moi, ça, Loup Bleu était bien obligé de le reconnaître. Tout à coup, elle s'arrêtait, truffe au vent, et elle disait « Là, souris de prairie !» « Où ça, là ? » ?»« Là-bas. » Elle montrait un endroit précis, 300 mètres devant. On y allait et on trouvait une famille de mulots à dos rouge, dodus comme des perdrix, sous terre. Les rouquins n'en revenaient pas. « Comment t'as deviné ?» Elle répondait. « Le nez. » Ou, en été, à la chasse aux canards, les rouquins nageaient vers leur proie sans un bruit, seule leur truffe dépassée, pas un remous. Pourtant, 9 fois sur 10, les canards s'envolaient sous leur nez. Paillette restait sur la berge, aplatie comme un chat dans l'herbe jaune. Elle attendit. Les canards s'envolaient lourdement au ras de l'eau. Quand l'un d'eux, toujours le plus gros, passait au-dessus d'elle, hop, un bond et clac. Comment tu réussis ça ? L'œil. Et, à la migration des caribous, quand leurs hardes s'étirent sur toute la largeur de la plaine, on grimpait sur la plus haute colline et Paillette disait « Le 6e, à droite, à partir du gros rocher, Malade. Les loups ne mangent que les caribous malades, c'est un principe. Malade ? Comment tu peux en être sûr ? L'oreille. Et elle ajoutait. Écoute, il respire mal. Elle attrapait même les lièvres polaires. Et ça, aucun loup n'avait jamais réussi un coup pareil. Les pattes. Mais à côté de ses exploits, elle ratait des choses incroyablement faciles. Exemple, elle coursait un vieux caribou tout essoufflé et, tout à coup, son attention était attirée par un vol de perdrix des neiges. Elle levait les yeux, s'en mêlait les pattes, se cassait la figure et on la retrouvait qui se roulait par terre en hurlant de rire comme un louveteau de premier âge. « Tu ris trop !» grondait Loup Bleu. « Ce n'est pas sérieux. » « Et toi, tu es trop sérieux, ce n'est pas drôle. » Ce genre de réponse n'amusait pas Loup Bleu. « Pourquoi est-ce que tu ris tant, Paillette ?» Elle cessait de rire, regardait Loup Bleu droit dans les yeux et répondait. « Parce que je m'ennuie. » Elle expliquait. « Il ne se passe jamais rien dans ce fichu pays. Rien ne change jamais. » Et elle répétait. « Je m'ennuie. » Et bien sûr, à force de s'ennuyer, Paillette voulut voir du nouveau. Elle voulut voir les hommes, de près. Cela se passa une nuit. Ils poursuivaient toujours la famille, la même bande de chasseurs. Ils campaient dans une cuvette herbeuse à 3 heures de la tanière. Paillette sentait l'odeur de leur feu. Elle entendait même le bois sec pétarader. « J'y vais, » se dit-elle. « Je serai de retour avant l'aube. Je verrai bien à quoi ils ressemblent finalement. » J'aurai quelque chose à raconter, on s'ennuiera moins. Et après tout, puisque c'est moi qu'on cherche. Elle pensait que c'était de bonnes raisons. Elle y alla. Quand Loup Bleu se réveilla cette nuit-là, un pressentiment, elle était déjà partie depuis 1 heure. Il devina tout de suite. Elle avait trompé la vigilance de Cousin Gris, cela aussi elle savait le faire. Et elle était allée chez les hommes. Il faut que je la rattrape. Il ne réussit pas à la rattraper. Quand il arriva au campement des chasseurs, il vit les hommes debout, danser dans la lumière des feux, autour d'un filet accroché à une potence par une grosse corde qui le maintenait fermé. Prise dans le filet, Paillette donnait des coups de croc dans le vide. Sa fourrure lançait de brefs éclairs d'or dans la nuit. Les chiens en folie sautaient sous le filet, leurs mâchoires claquaient, les hommes hurlaient en dansant. Ils étaient vêtus de peau de loup. Flamme Noire avait raison, pensa Loup Bleu. Et aussitôt, si je coupe la corde, le filet tombera au milieu des chiens et s'ouvrira. Elle est trop rapide pour eux, on s'en tirera. Il fallait sauter par-dessus les feux. Pas drôle pour un loup, mais il fallait le faire, et vite. Pas le temps d'avoir peur. La surprise, c'est ma seule chance. Il était déjà dans l'air brûlant, au-dessus des flammes, au-dessus des hommes, le feu leur faisait des visages très rouges, au-dessus du filet. Il trancha la corde d'un coup de dent et hurla. « File, Paillette !» Hommes et chiens regardaient encore en l'air. Paillette hésita. « Excuse-moi, Loup Bleu. Et ce fut la bataille générale. Loup Bleu envoya 2 chiens dans les flammes. « Va-t'en, Paillette, va-t'en !»« Non, je ne veux pas t'abandonner. » Mais les chiens étaient nombreux. « Va-t'en, je te confie la famille. » Alors, Loup Bleu vit Paillette faire un bond formidable. Puis elle entendit des coups de tonnerre. La neige jaillit en petits geysers autour d'elle. Ratée, elle disparut dans la nuit. Loup Bleu eut à peine le temps de s'en réjouir. Un des hommes, grand comme un ours, dressé devant lui, brandissait à 2 mains une bûche enflammée. Et ce fut le choc. Comme si la tête de Loup Bleu explosait. Et la nuit. Une nuit pleine d'étincelles, où il tombait, tombait, n'en finissait plus de tomber en tournoyant. Voilà. Quand il se réveilla, il n'ouvrit qu'un œil. On ne l'avait pas tué. Sa fourrure avait été trop abîmée dans la bataille pour être vendue. Alors, ce fut le zoo. Enfin, les zoos. Il en fit 5 ou 6 dans les 10 années qui suivirent. Sol de ciment et toit de tôle, sol de terre battue et ciel ouvert, petites cages et gros barreaux, enclos et grillages, la viande qu'on vous lance de loin, les peintres du dimanche, les enfants des hommes qui ont peur de vous, les saisons qui passent. Tout seul, parmi des animaux inconnus, eux aussi dans des cages. L'homme est un collectionneur. Il comprenait maintenant la phrase de Flamme Noire. Tout seul, jusqu'au jour où on introduisit une louve dans sa cage. D'abord, Loup Bleu n'en fut pas trop content. Il avait pris l'habitude de sa solitude. Il préférait ses souvenirs à une compagnie. La louve posait un tas de questions. « Comment t'appelles-tu ? » Elle avait un pelage gris et un museau presque blanc. « D'où viens-tu ? » Le bout de ses pattes aussi était blanc. « Il y a longtemps qu'ils t'ont pris ?»« On dirait une perdrix des neiges. »« D'accord, » dit la louve. « Tais-toi si tu veux, mais je te préviens. Dès que toi tu me poseras une question, moi j'y répondrai. » « Le genre de truc qu'aurait pu me dire Payette. » pensa Loup Bleu. Alors il demanda. « Et toi, d'où viens-tu ? » « Du Grand Nord. » « C'est grand, le Grand Nord. » « Je viens des Barrenlands, dans l'Arctique. » Le loup cessa de respirer. Les Barrenlands, c'est ainsi que les hommes appelaient la terre où on l'avait capturée. Il entendit nettement son cœur battre dans sa poitrine. « Les Barrenlands, dis-moi, est-ce que tu connais ?»« Je connais tout le monde là-bas. » »« Une petite louve à la fourrure d'or, tu connais ?»« Payette ? La fille de Flamme Noire et de Grand Loup ? » ?»« Bien sûr que je la connais. Mais d'abord, ce n'est pas une petite louve. Elle est immense. » Plus grande que les plus grands loups. Et ensuite, elle n'a pas de fourrure d'or. Pas de fourrure d'or ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ce n'est pas une histoire. Je ne mens jamais. Elle avait une fourrure d'or, c'est vrai. Elle ne l'a plus. Elle s'est éteinte. Éteinte ? Parfaitement. Une nuit, elle est partie avec un de ses frères. Personne n'a jamais su pour où, et le matin, elle est revenue seule. Sa fourrure s'était éteinte. Elle ne brillait plus au soleil. Jaune paille. On dit qu'elle porte le deuil de son frère. On dit ça. On dit des tas de choses sur elle, et tout ce qu'on dit est vrai. Je la connais bien. On dit que les loups n'ont jamais eu de meilleurs chasseurs. C'est vrai. On dit que ni elle ni les siens ne se feront jamais attraper par les hommes. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en sais ? Demanda Loup Bleu, qui sentait une grosse boule de fierté gonfler dans sa poitrine. Alors, Perdrix raconta. C'était en été. Trois familles de loups s'étaient rassemblées autour d'un étang où les canards pullulaient. Parmi elles, la famille de Payette et celle de Perdrix. Tous à l'affût, silencieux. Quand tout à coup, flop, flop, flop, flop, un battement de l'air au-dessus d'eux, qu'ils reconnaissent tous, l'hélicoptère. Oui, ils se sont mis à nous chasser avec des hélicoptères maintenant. Et bang, bang, les premiers coups de feu. Panique générale, les loups s'enfuyaient de tous côtés, comme s'ils étaient dispersés par le vent des hélices. Heureusement, les chasseurs tiraient mal. C'étaient des amateurs, des qui chassent pour se distraire. Du coup, voilà l'hélicoptère qui descend, de plus en plus près. L'herbe se couchait sous lui. Mais dans l'herbe, justement, il y avait Payette. Impossible à repérer, la même couleur exactement. Et tout d'un coup, un bond, hop ! La jambe du pilote, clac ! L'hélicoptère qui remonte, qui fait une drôle de pirouette, et plouf ! Au milieu de l'étang. Perdrix s'était alors précipité vers Payette. « Comment as-tu réussi ça, Payette ? Dis, comment ?»« Et tu sais ce qu'elle m'a répondu ?»« L'œil. » »« Comment le sais-tu ? » ?»« Je t'expliquerai. Raconte la suite. » »« Oui, la suite. Bon, alors voilà l'hélicoptère au milieu de l'étang. Les hommes, parmi les canards, furieux les canards. Et les loups, assis tout autour de la rive, à rire, rire. Une rigolade tu ne peux pas imaginer. Il n'y avait que Payette qui ne riait pas. Elle ne riait pas ? Non, elle ne rit jamais. C'était L'œil du loup. Une histoire de Daniel Pénac aux éditions Pocket Jeunesse.